C'est rap précis, blow c'est rap précis. Seller à fond, réponse à front. Avant les actions, gibe et bifton. Shit et boisson, cam et pulsion. En prestation, ça va dans le sens. J'rime ça, je danse pas. Accroche-toi, écoute ça. Assieds-toi, écoute ça. Il faut que tu suives ça. Soupinant, je te donne ça. Soupinant, je donne ça. Avant, je voulais des thunes, j'ai cessé, j'y ai laissé des plumes et ton bitume, je l'ai épuré. T'as vu des jeunes, des abusés, abusés, péter des carottes à leurs cousins, les matrixés. Prends ta disque, j'aime plus putain, jean serré. Tu veux la vie de rêve, le taulier pourra te l'assurer. Il pètera le fion, il racontera à ses potes en se marre, en soupilant si on me demande. Je m'en bats les couilles, mais bon, j'ai peu de temps à vivre. Plutôt mourir que de mentir, c'est de la vérité que je les frime, pas en part de zéro. La pression est lourde et je ne détecte pas de super-héros. Toi, tu détectes pas le super-négro. Tu veux ma peau, prends ton coup de couteau sous ton cou, que ton juice coule. Jusqu'à tes coups, mon écrit, c'est tout. Mac, mon rap est fou, hausse la dit, c'est tout. Le verbe et la vibe, les connais tous pas son dive. Flippe pas, je suis pas venu laisser traîner le mic. Je m'explique, on s'exprime, même si le beat et le s'exprime. Optimiste, optimiste. Le verbe et la vibe, les connais tous pas son dive. Flippe pas, je suis pas venu laisser traîner le mic. Je m'explique, on s'exprime, même si le beat et le s'exprime. Optimiste, optimiste. En cours étanche, je crains pas les démons. Je garde mon calme quand j'ai le seum, que ma haine démon. Accro sans pleurs, je prie, je brave et sans peur. Si je t'ai niqué, c'était sans cœur. Si j'ai dit, c'était sans pleurs. Flemme de lire, combien de fois j'ai bâclé un livre. L'école, c'est loin ça. Racine carré, c'est quoi déjà? À part la compta, j'ai tout têche, moi. Les gens ne t'aiment que quand tu pètes, gars. Ce son, c'est de la bombe et ça se sent à des kilomètres. Donc si c'est pas des tonnes, je ramène plus de 2 kilomètres. Je reste la barre au maître, rime honnête. Attirer les jaloux, les mutés, alors c'est kilomètre. Je rêve de kilos de cheat, de gros cheat, de gros cheat. Beaucoup de filles avec des bikinis, ça excite. Mon ADN sur le produit fait tâche, alors je m'église. Le verbe et la vibe, les connais tous pas son dive. Flippe pas, je suis pas venu laisser traîner le mic. Je m'explique, on s'exprime, même si le beat et le s'exprime. Optimiste, optimiste. Le verbe et la vibe, les connais tous pas son dive. Flippe pas, je suis pas venu laisser traîner le mic. Je m'explique, on s'exprime, même si le beat et le s'exprime. Optimiste, optimiste. Ma shit est la fraîche, j'ai pas de thème. Pas de haine dans mes textes, même si rares sont les gens qui t'aiment. Mon pen excelle, ma rime une aquarelle. Affûtée avant de lancer le musique belle. Sont les métaphores sombres, sont les histoires. J'ai vu la mort en face, elle m'a dit fils, y'a peut-être quoi. T'as plus d'un vendu, abusé les virgas, baigné dans son propre sang. Crois en qui encore, quand l'argent te monte à la tête. Vaut mieux fermer les yeux, prends ta part et puis te barrer, mec. On s'est trop frité pour un billet vite gagné. Un paquet club, une 10, une fille bien habillée. Tu pars à l'hôtel, aller-retour à dame, dame. Tout sur écoute, éviter les portables. Aimer une dame, la décevoir, grâce au système est macabre. Le verbe et la vibe, les connais tous pas son dive. Flippe pas, j'suis pas venu laisser traîner le mic. J'm'explique, on s'exprime, même si le beat et le s'exprime. Optimiste, optimiste. Le verbe et la vibe, les connais tous pas son dive. Flippe pas, j'suis pas venu laisser traîner le mic. J'm'explique, on s'exprime, même si le beat et le s'exprime. Optimiste, optimiste. Anière, j'ai gêne, je ne cesse de représenter. J'arrive avec mon frais style, je donne du sens à mon texte, une bouffée puis il respire. Reste hier, je reste rieur, face à la montée de mon seum, je reste meilleur. J'arrive avec mon frais style, je donne du sens à mon texte, une bouffée puis il respire. Reste hier, je reste rieur, face à la montée de mon seum, je reste meilleur. Volume 2, bientôt dans le bar. I love French Kick Producer. Les banlieusards, c'est comme ça qu'on fonctionne. Neochrome mixtape.